pourquoi ça fait si mal? Pourquoi je t'ai fait tout ça? Eva, qu'est-ce que je m'en veux d'avoir gâché tout ça? C'est pas dans ma solitude que je trouverai des réponses. Pourquoi je t'ai fait tout ça? T'aimer ça fait si mal. Eva, qu'est-ce que je m'en veux d'avoir gâché tout ça? C'est pas dans ma solitude que je trouverai des réponses. Pourquoi je t'ai fait tout ça? T'aimer ça fait si mal. Je me rappelle la première fois où on s'est rencontrés. Cette fille avait tout d'une déesse tirée d'un conte de fées. Un sourire éclatant, un corps parfait, une chevelure de Satan, mais rien à faire, j'étais bluffé. Au premier regard, j'ai su que c'était elle, elle qui serait la luciole qui éclairait mes ténèbres. Mais un grand écart social nous a séparés, mis à part la race, en aucun cas je pouvais la laisser se barrer. Eva, c'est comme ça qu'elle se nommait, trois petites lettres qui ont pourtant su me traumatiser. La glace devait la briser et lui faire comprendre que le plus important c'était pas le départ mais l'arrivée. J'étais comme un marmot quand elle daigna poser son regard sur moi. Eva, tu seras jamais ce que j'aurais pu faire pour toi. Mon cœur tu l'as brisé et moi c'est ton âme que j'ai visée. Attristé par ton absence, je n'arrivais plus à respirer. Un seul de tes sourires à cette époque aurait pu me rassurer. Au-delà de tout ça, sachez quand même que moi j'ai toujours aimé Eva. Mais pourquoi ma chérie tu nous as fait tout ça? Je pensais que la maternité t'aurait fait changer. En tout cas moi elle m'a fait me ranger. Eva. Mais pourquoi ma chérie tu nous as fait tout ça? Je pensais que la maternité t'aurait fait changer. En tout cas, moi, elle m'a fait ranger. Je me rappelle comment tu me cassais les couilles parce que je voulais pas me poser. Rien que tu te saoules, c'est ce que tu me disais. Mon amour pour toi, j'étais prêt à tout. Je voulais pas te pousser à bout, alors même sur mes poteaux, un trait, j'ai tiré. Au début, tu m'admirais pour mon courage et ma dextérité. Toi-même, tu savais que pour un type comme moi, c'était trop dur d'aller travailler. Pourtant, je l'ai fait. Et en contrepartie, c'est d'une jolie petite fille que tu m'as gratifié. Franchement, j'étais l'homme le plus heureux de la planète, bébé. Je me suis sorti de toutes mes histoires pas nettes. Plus de ça, plus de musique que nous. Ma puce, t'es toujours été fidèle, même quand une salope me suce. Je te croyais fier de moi quand t'es acheté l'appart. T'imagines pas le nombre de colis qu'il a fallu que je porte pour chromer cet appart. Malgré tout ça, la flamme des premiers jours s'était consumée. Pourquoi bébé t'as jamais voulu te marier? Au début je croyais que c'était normal. Mon père me disait oh fiston elles seront jamais heureuses nos femmes. À la longue on s'y fait. Mais mon cœur tu l'as brisé. Et moi c'est ton âme que j'ai visé. Je t'aurais tout donné rien qu'en claquant des doigts. Les étoiles pour toi je les aurais chouara. Mais mon amour était si fort et moi si faible que je l'ai pas vu venir. Qu'au fond de toi tu voulais tout anéantir. Eva. Mon amour pour toi jamais ne changera. Même si dans tes yeux je vois bien que tu m'aimes plus, dis-le moi, parce que chérie je n'en peux plus. Eva, mon amour pour toi jamais ne changera. Même si dans tes yeux je vois bien que tu m'aimes plus, dis-le moi. Oh bébé, dis-le moi. Ce matin-là, c'était comme d'hab, je partais pour mon taf de Doggers. Dans mon sac, des pâtes au gaz et ma gamelle des Doggers. Un début de journée banal, quoi. Sauf que j'avais oublié mon portable à la Casbah. Je pose la petite à la crèche, c'est Gigi du temps, je rentre chez WAM. Eva doit être en train de pioncer, alors j'y vais doucement pour pas la déranger. Mais c'était bizarre, une paire de Nike qui m'appartient pas pointe devant ma porte, alors je l'ouvre. Non, c'est pas ce que tu crois. Mais putain, Eva! C'est qu'un con, c'est pas ce que tu mais crois. Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, mais je te prends tout pour toi, Eva! Arrête! Eva! Dis-toi, petite salope, t'aurais jamais dû faire ça. T'aurais jamais dû faire ça. Eva! Dis-toi, petite salope, t'aurais jamais dû faire ça. T'aurais jamais dû faire ça.